votre club Les Girondins de Bordeaux, votre cœur Marine et Blanc et votre émission c'est Girondins Analyse et c'est tout de suite sur RNG à Bordeaux en 90.7. Tire de Batistan. Oh le but de oh, le but de Batistan de loin. Un but fantastique de Batistan de 30 mètres. Allez, 3 contre 3, si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Allez, frappe et but. Super, oh là là, quel but de Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Feindouno, Feindouno, il y est. Et but à la chance face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez la joie sur le banc et sur la pelouse. Et l'hippope est à terre. Il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux. Avec Salmé, avec Bourcuff, oh, oh, deux fois, oh, oh, exceptionnel, Johan Bourcuff, quel but. Allez, régalez-vous. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analyse RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h-23h pour débriefer l'actualité des Girondins. Ouais. L'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité. C'est. Eh ben, on s'en fout de l'actualité de ce week-end. Voilà, on va pas en parler en première heure. On reviendra peut-être sur le match nul contre Nantes. Wouhou, c'était super. Mais ce soir, émission non pas. À la base, elle devait être doublement exceptionnelle. Bah, finalement, elle est triplement exceptionnelle. À la base, elle était toute pourrave. Je te rappelle juste que même Zidane a préféré ne pas aller voir, aller voir un concert de Jules. Donc, c'est-à-dire que quand tu commences là-dessus, tu te dis quand même que tu as des invités qui sont en, un petit peu en dessous, tu vois. C'est, t'as eu Didier Tolo, franchement, t'étais haut. Là, t'es un peu en dessous. Mais ils sont venus accompagner. Donc, tu leur fais un grand sourire. Je leur dis merci d'être ici. Donc, après l'interview de Didier Tolo qui était en direct vendredi, que vous retrouverez en podcast très prochainement, genre fin de semaine, un jour, si Dieu le veut bien, et la technique. Ce soir, nous avons en studio le duo infernal. Il y avait Chapier Chapeau, Tic et Tac. Et dorénavant, il y aura Laurent Brun et Julien B. Messieurs, bonsoir. Julien Brun, Laurent B. J'ai dit quoi? Non, c'est ça, tu t'es pas trompé. Ouais. Il va le faire dans la soirée. Oh, y a, à force, à un moment donné. Salut à tous et à toutes. Merci. Bonsoir Julien, merci messieurs d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois en 5 mois. Vous êtes évidemment là pour nous parler de ce magnifique bouquin. Je ne sais même pas pourquoi je le montre aux gens vu que ce n'est pas filmé. Adrien, parce que t'es juste ivre. Le bouquin qui s'appelle. Non mais c'est bon. L'Escure et les Girondins. Voilà, le rendez-vous des légendes. Le deuxième, votre deuxième ouvrage après le premier consacré exclusivement aux supporters et en grande partie au Virage Sud. Celui-ci est consacré à l'Escure, mais vous n'êtes pas venu les mains vides, car en plus d'un petit bouquin, vous êtes venu avec la petite cerise sur le gâteau. On va pas se mentir, nous on n'était pas au courant, on a eu la surprise. C'est le gâteau alors. L'ange Gabriel. Gabi. L'archange Gabriel. Est avec nous également en studio. Alors, merci. Bonsoir à toutes Gabi. Les auditrices de m'écouter ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Laurent. Non, mais je rappelle que vous avez fait un appel, vous m'avez appelé afin que je puisse nettoyer le studio. Finalement, avant je traçais les lignes sur le terrain de l'Escure. Aujourd'hui, je nettoie le studio. Et puis on s'est dit, bon, allez, si en même temps il peut nous parler un peu du club, de l'histoire des Girondins, tout ça, ça sera pas mal. Non mais merci, vraiment, c'est une super surprise. On n'était pas du tout au courant, nous, l'équipe. On a découvert ça il y a, allez, une petite demi-heure. Donc c'est merci, pour ça qu'on merci est un peu à, en retard, merci hein, à vous aussi, les gars, d'avoir invité Gabi dans l'émission. Allez, je vais quand même parler de mes copains qui seront avec moi, même si on s'en fout. Adrien Rico, alors on va faire un grand, attention. Ne touche pas au micro, juste dis quelque chose. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Voilà, ça marche. Touche plus à rien. Rico. Salutations. Oh putain, il marche. Impeccable. Et Marc, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est à côté de moi. Messieurs, on va attaquer direct. Si vous avez des questions à poser, 0556 35 31 31, que ça soit à Julien, à Laurent, à Gabi, sur leur vie, leur œuvre, le bouquin, ce que vous voulez. C'est radio libre, même voilà, si c'est sexuel. Libre. Ouais, voilà, voilà. Faut que ça reste quand même un minimum dans le cadre de... Enfin, dans le cadre. Il n'y a que la femme de Laurent qui appelle pas, s'il vous plaît. Hein, ou après 23h. Marc, c'est Julien, ma femme. Ouais, donc faut que ça reste quand même dans le cadre un petit peu. Tu nous disais, ces derniers mois, tu as plus vu Julien que ta propre femme. Nico, je déconne, je pense que Nico, tu peux un peu l'avancer quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'on se voit plus souvent jour et nuit avec Julien que nos femmes respectives. Bah, tant que c'est plus ça. Jour que nuit, ça ouais, va. Exactement. Plus ça dépend des bouclages. Ça dépend des bouclages. Alors. Bah, c'est notre bébé. Il te faut un dessin ou quoi? C'est ouais, c'est. C'est je sais plus ce que je voulais dire. Bien, on va. Mais c'est ouais. Bien aussi. Je sens que ça va être n'importe quoi ce soir, mais c'est ça qui va être bien. Allez, on va attaquer directement, messieurs. Donc, ce bouquin, le deuxième d'une série de 4, si j'ai bien compris tout ce que vous avez expliqué à la petite présentation de samedi dernier. Plus de 600 et quelques pages, vous nous l'avez déjà dit la dernière fois, on en a reparlé tout à l'heure. Mais la dernière fois, on avait dit 3 livres. Ouais. On n'avait pas voulu parler du quatrième parce qu'il y avait quelques petits trucs à régler, mais effectivement il y en a 4. Alors c'est pas parce qu'on en a fait un qui a plutôt pas mal marché qu'on en rajoute un à chaque fois. N'ayez pas le triomphe modeste. C'est la somme globale. Voilà, c'est la somme globale qu'on a morcelé parce que notre éditeur, qui cette fois-ci est Sud-Ouest, le premier était à compte d'auteur, le deuxième et le troisième c'est Sud-Ouest, ça a été morcelé, donc on a validé les 4 livres. Ils sont presque tous écrits. Donc c'est sûr, c'est officiel, c'est fait, c'est carré, c'est bouclé. Bah ça c'est une très bonne nouvelle. Dans 5 mois, vous reviendrez pour parler du troisième et dans 5 mois ouais, pour parler du quatrième. On a le, vous avez le droit de dire le menu des autres parce que jusqu'à présent, on savait que le troisième livre ce serait sur l'historique du stade avec les dates, c'est ça? Et le quatrième du coup. Alors ce sont les grands événements de l'Escure, pas que le foot. Il y a les grands matchs des Girondins de Bordeaux dans le 3, on est d'accord. Hein. Ouais. Les grands matchs des Girondins de Bordeaux, les grands matchs de l'équipe de France. Il y a eu pas mal de matchs de l'équipe de France B aussi en football, mais il y a aussi le rugby. Il y a eu des coupes du monde, le foot et le rugby, cyclisme, boxe, hockey sur gazon, athlétisme, Holiday on Ice, les concerts, Johnny Hallyday, Dire Straits. Voilà, enfin c'est très très vaste et ça sera aussi un 192 pages comme celui-ci. Ouais. Voilà. Et le quatrième, il sera un peu plus rock'n'roll. On va rentrer dans les histoires vraiment du tunnel. On va parler de certains joueurs qu'on n'a pas mis en lumière dans ce numéro-là, puisque dans le livre dont on parle aujourd'hui, il y a 27 légendes, 27 ouais. Symboliques des Girondins. On va en parler. Il manque Téline. Donc, non, il n'y a pas Téline, il n'y a pas Moussa Mazou. Il manque Téline et Poco pour Adrien. Voilà, si tu veux, quelque part, voilà, ce sont des personnalités atypiques qu'il y aura dans le 4, et non moins légendaires des Girondins, des fortes tête, des gueules de cons, des caractériels, enfin, c'est avec grande affection et grand respect qu'on dit ça, mais plein d'anecdotes, des joueurs de classe incroyable, enfin ça va être sympa. Des joueurs qui sont passés très vite comme Cantona, Deschamps, etc. Voilà. Et Téline et Poco. Des vraies personnalités. On a dit des vraies personnalités. Tu parlais d'anecdotes de couloir, est-ce que Gabi sera une de tes sources très certainement. Référence parce Très que, certainement. Parce Gabi. Que Gabi, je pense quand même que tu dois en avoir des pas mal anecdotes j'ai pas mal de couloirs à l'Escure. C'est vrai, c'est exact, mais j'attends que Laurent puisse me questionner voilà, avant de pouvoir dévoiler. C'est bien, t'as vu, parce qu'il dévoile rien. Parce que comme il faudra le lire dans le livre, il est bon. Ouais. Mais c'est ça il une bonne bon, promo. C'est bien, il tease. C'est ça une bonne promo. C'est bien, bravo Gabi, on te garde. Il y est d'ailleurs, Gabi. Après, dans si le... ça te fait plaisir de livrer quelque chose, tu le dis. Voilà. Bah, Gabi était dans le premier Je sais, volume. Mais le deuxième, pour être sincère, je ne l'ai pas encore lu. Le premier, je l'avais lu assez rapidement. Le deuxième, je vais être sincère, on reçoit deux invités, moi j'avoue. Je n'ai pas encore lu leur deuxième livre. Mais il y est, Gabi, dans celui-ci ou ses récits, ses anecdotes? Non, je crois pas que tu droit au chapitre dans ce. Oh, sur une photo. On t'a dégagé parce que, comme on t'aime pas, si tu veux, on s'est dit. Il a eu deux ou trois pages dans le premier, ça suffit. Ouais. Non, parce qu'en fait, si tu veux, dans ce livre, il y a en gros deux parties. Il y a la première partie qui est un volet plutôt patrimonial sur l'histoire du stade, sa conception, son architecture unique. Son implantation dans la ville. L'implantation dans la ville, dans un quartier particulier qui est un quartier art déco. Pourquoi ce stade? Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi cette architecture sans piliers? C'est un des premiers stades au monde où les spectateurs ont pu avoir une vision globale et pas des piliers carrés devant eux comme dans les stades britanniques par exemple. Quelles sont les personnalités qui ont permis d'avoir ce stade, ces stades, parce qu'il y a deux stades. Il y a le stade où joue l'UBB aujourd'hui, ouais. Puis à côté il y a le stade annexe, qui est un stade de style art déco, mais il y a eu aussi un premier stade en 1924 dont les fondations sont encore sous le stade actuel, si vous me suivez. Donc on raconte tout ça, les maires aussi qui ont validé. Il n'y a pas eu beaucoup de maires depuis 1924, ouais. Il y en a eu 6. Donc on a sélectionné 3 maires de la ville qui ont été prépondérants dans l'histoire du stade, des stades. Adrien Marquet qui a inauguré celui-là en 38, Jacques Chaban-Delmas qui a joué aussi avec le CA Béglé, en tant que rugbyman, oui. Voilà. Et Alain Juppé qui a fait les modifications pour la Coupe du Monde, qui a une vraie incidence et vraie influence aussi. Et il y a aussi le volet que va devenir l'Escure. On le traite de façon très objective et journalistique. politique. On a donné la parole à toutes les composantes des débats, la municipalité, les riverains qui se sont opposés à certains projets, les architectes. Enfin voilà, là on a l'UBB fait un bon travail de journaliste. L'UBB, ouais, bien sûr. Laurent Marty. Voilà, donc c'est un volet patrimonial et il y a un deuxième volet. Et il y a un deuxième volet avec les 27 légendes, donc ouais, symboliques des Girondins. Alors, comme on aime à le dire avec Laurent, mais c'est vrai, c'est subjectif, mais ce sont des portraits, et on s'est attardé sur ces 27 joueurs qui ont tous, et ça c'est vraiment un point commun, tous une histoire extraordinaire avec ce club. Statistiques à l'appui, parce qu'on met des statistiques à domicile. Je vais pas la donner, mais on a la liste, j'ai la liste devant les yeux. Si, tu peux, pour qu'on soit clair, c'est par ordre alphabétique, pour pas froisser qui que ce soit, donc c'est de Batistan à Zidane. Voilà. Il y a un portier, bien portant. Je vous laisse imaginer. Stanley Menzo. Non mais tu sens quand même il y a la patte de. Non mais ça c'est sorti du contexte parce qu'en fait c'est sur Cédric Carasso, mais en fait c'est un paragraphe où on parle de sa jeunesse et il faut dire que Cédric Carasso dans sa jeunesse à Marseille il était assez costaud. Il fallait qu'il maigrisse, il fallait qu'il perde du poids. Donc effectivement c'est le titre de ce chapitre. Ensuite le régime et tout ça qu'il devait faire. Exactement, il a beaucoup perdu de poids d'ailleurs après à partir de 2008. Mais c'est vrai que plus jeune il était bien gravement blessé aussi. Il ouais, faut pas l'oublier. Avec l'équipe de France, un match de charité, c'est ça, il se blesse. Exactement, ouais. contre France 98 avec les Marseilles. C'est son premier match d'ailleurs au Vélodrome en fait. C'est un vrai déclic dans sa carrière en fait. Ouais. Voilà. Et là, il perd 25 kilos après ça. Qui est responsable des punchlines qu'il y a dans le livre? Franchement, honnêtement. Non, parce que si jamais ça se vend pas, il a une carrière toute faite chez M6 hein, pour tous les jingles bien. Des phrases d'accroche bien pourries qu'il y a dans chacune de leurs émissions. Vas-y, balance. Comment ça balance? Mais vas-y, balance laquelle punchline? Ah, mais pas bah, celle-là. Il y avait le au tout début. Attends, je vais pas l'avoir, bien évidemment. Hein, je l'ai montré tout à l'heure. Sinon, il y a des images, Marc. Hein, c'est pas grave. Ouais. Regarde, là, il y a un monsieur. Le problème, c'est que même les images, il sait pas les lire, donc c'est un peu compliqué. Je voudrais le temps que tu retrouves, juste qu'on fasse une petite parenthèse, parce qu'il y a des belles photos, il y a des photos de collections privées, il y a des photos de Dominique Lelanne, qui est le photographe officiel des Girondins depuis 1994, des photos de François Ducasse avec de magnifiques noirs et blancs. Il a collaboré le club dans les années 70-80, mais avec Sud-Ouest aussi, et plein de photos issues des collections familiales ou de collectionneurs professionnels qui nous ont prêté et donné. Voilà. Et un dessinateur professionnel, Marc Moreno, voilà, qui nous a fait un superbe dessin justement dans le préambule juste avant les légendes. Voilà, on voulait le remercier parce que c'était un super dessinateur et qui nous a fait un dessin tout à fait dans la logique de ce livre-là. Et est-ce que vous avez aimé Galice au Pays des Merveilles? La fête des mères. Un stade pour la fête des mères. Bon, on sent qu'il y a eu l'apéro à certains moments hein, quand vous avez travaillé. Ouais. J'y pense, question toute bête, mais la liste des 27, le chiffre 27, qui là, il est venu comment? En fait, au départ, en réalité, on a écrit plus de 40 portraits avec Laurent. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart seront dans le quatrième livre. Uniquement des joueurs du coup pour ce. Des joueurs emblématiques, ouais, des joueurs emblématiques des Girondins. Qui ont fait l'histoire du stade et inversement. Exactement. Et donc, quand on a commencé à écrire ce livre-là, on a fait quand même la part belle, comme le disait Laurent, au patrimoine Lescure, ce qui était très important. Alors ensuite, on pouvait pas faire, malheureusement, on aurait bien aimé, mais faire 300 pages avec 40 légendes, mais c'était pas possible. Et donc, il a fallu en choisir 27. Et donc, on a fait nos quand ils ont fait 27, le premier qu'ils ont dégagé, c'était Planus. Donc, ils se sont dit, ok, ça fait 27. Marc Planus, qui a eu la gentillesse aussi de faire la préface du premier. Il aurait pu y être, j'imagine, parce que une personnalité, une fidélité au club sans faille. Marc, évidemment, il sera dans le 4. Voilà. C'est écrit, tout ça. On va pas tout vous dire. Star Wars, tu sais. C'est écrit déjà. C'est une saga, mais c'est ça. C'est une saga. C'est une anthologie de Lescure. Et c'est quelque part une œuvre présomptueuse, faite avec grande humilité. Mais j'allais vous dire, c'est des bouquins, des ouvrages sur le club. Alors, surtout par l'intermédiaire depuis que le club a été racheté par M6, ils en sortent assez régulièrement, tous les 4, 5, 6 ans, 8 ans, il y a toujours le petit machin, les 30 ans, les machins. Mais avec beaucoup de modestie, pas comme ça. Mais c'est là où j'allais justement. Non, je suis désolé de les dire, mais c'est là où j'allais justement. Ce sont de très bons bouquins, très intéressants. Ils sont très intéressants sur l'Escure aussi. Mais tu sens que c'est un peu. Mais nous, ce qu'il faut cadrer, c'est plus loin. Et il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs dans ce livre-là. Mais c'est normal. Je suis content que tu le dises. Écoute, nous, à l'époque, ils n'avaient pas forcément aussi tous les moyens de recouper les informations que nous, on a aujourd'hui. Il y a des bouquins qui sont sortis il y a 20 ans. C'est pas si vieux, 20 ans, mais il n'y avait pas tous les moyens. Après, nous, on a fait un vrai travail d'investigation. Et peut-être que dans quelques années, il y a des gens qui apporteront quelque chose aussi à ce qu'on a écrit. Mais c'est vrai, de cette manière, ça n'a jamais été fait. Mais ça, c'est sûr. Vous disiez, alors, je sais pas si peut-être vous l'avez dit parce que j'étais un petit peu parti là ailleurs, mais ta mémoire, vous avez choisi 27 sur à la présentation, 40. Vous avez dit 40. Ouais, 40. C'est l'éditeur qui nous a... Mais qu'on retrouvera. Oui, dans le quatrième. Dans le quatrième. Il y en aura même beaucoup plus. Hein, que, du coup, il n'y a aucune symbolique derrière le chiffre 27. Non, absolument pas. 33 non. Ou non. Ouais, c'est oui, c'est un peu indépendant de notre volonté, mais okay. Comme disait Julien, vu le... Ah, c'est calibré par la grosseur, page, peut-être. Voilà, du volet patrimonial, parce qu'on parle aussi des labels, on tord le coup à certaines idées reçues. Le stade, il n'est pas classé. Il n'est pas classé monument historique. Il est classé patrimoine du 20e siècle. Il n'est pas dans le périmètre UNESCO. Par exemple, le périmètre UNESCO, parce que Bordeaux est le premier ensemble mondial classé sur autant de superficie, il s'arrête en face du stade, de l'autre côté du boulevard, en face de l'arche. C'est un truc. Nous, on a appelé l'UNESCO, on a appelé le ministère de la Culture, on a appelé tout le monde pour vérifier tout ça, parce qu'on voulait. Moi, j'ai toujours cru jusqu'à il y a 3 ou 4 ans que le stade était classé monument historique. C'est pas le cas. Voilà. Et justement, les riverains essaient de faire classer le stade dans un ensemble patrimonial de style Art déco, comme la ville de Nancy, par exemple, a pu le faire avec ses quartiers Art nouveau. La mairie a très vite adhéré en se disant mais oui, il y a peut-être un circuit touristique avec les différents quartiers Art nouveau à Nancy. Alors l'Art nouveau à Bordeaux, ça n'a pas marché parce que ça correspondait pas aux attentes des Bordelais, et puis parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Voilà, l'Art déco un peu plus, mais ce quartier de l'Escure, il est unique en France. Je vais vous raconter une anecdote. On se rend pas compte de l'impact. Pendant des années, jusqu'à il y a encore 2 ou 3 ans, je faisais partie de ceux qui vendaient les abonnements pour les ultras, et donc on était dans le petit guichet où on prend le plat, sauf qu'on venait l'été. Vous n'imaginez pas le nombre de touristes, mais j'ai vu passer de tout, des Allemands, des Hollandais, des Anglais, des Bretons, des ce que vous voulez, des Corses, de l'Europe entière. Les gens qui venaient en vacances, ils venaient tous nous demander: s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de visiter le stade, de rentrer, de prendre une photo? On a un père, le mec venait d'Angleterre, il venait avec son fils, et il disait: partout où je vais, je vais visiter le stade de la ville. Partout où je vais en vacances, je visite. Il y a des gens, des Hollandais, des Pays-Bas, d'Amsterdam, je me rappelle une mère avec ses 4 gamins, d'Amsterdam, ils sont venus, ils voulaient juste visiter le stade, prendre une photo, machin, tout ça. Oh, t'aurais dû dire oui, mais t'aurais pris un petit billet. Le club, je comprends même pas moi que le club ne mise pas sur ça, de dire, putain, il y a des gens qui veulent. Mais c'est pas du tout anodin. Ou la mairie. Enfin, ce sera plus simple au Matmut, je pense. Ouais. Quand tu auras une histoire. Disons que l'Escure, en plus, par rapport à la sécurité aussi. Par rapport à la sécurité, je pense que c'est compliqué pour l'Escure. Les journées du patrimoine drainent beaucoup de gens, et les associations de riverains font visiter le stade, et c'est pour ça, c'est un stade unique. Après, il est dans des codes, des motifs récurrents de l'art nouveau, de l'époque, et l'art déco. Oui. Voilà, parce qu'en fait, c'est un stade de style moderniste. Le stade annexe, qui est le premier stade, c'est le stade de Raoul Jourde, qui est un oublié de l'histoire, qui a été viré parce que la page remerciement que j'ai fait. On a mis un hommage, et sur aussi les conseils des riverains, parce que nous aussi on a appris beaucoup de choses, on savait pas tout, on sait toujours pas tout d'ailleurs, mais on a voulu lui rendre hommage parce que lui il figure sur aucune plaque commémorative, et ce stade où joue le bébé, on est d'accord, c'est son stade, sauf qu'il a été viré pendant la période de travaux. C'est Jacques Douels, qui était architecte de la ville d'Adrien Marquet, qui a continué les travaux. Le stade annexe est un stade art déco, et il fallait quand même rendre à César ce qui appartenait à César, quoi. Mais justement, c'est vraiment un stade unique au monde, quoi. Unique au monde, qui a été fait avec des techniques de coffrage de béton. On va pas rentrer dans le détail, même si le détail, vous l'avez dans le livre. Importé d'Italie, il y avait très peu de stades comme ça. Des stades de ce style, il y en avait un à Marseille, le Vélodrome. Mmh. Il y en avait un à Lyon, Gerland, qui lui était classé monument historique. Un à Toulouse, qui a disparu. Et à Bordeaux, et c'est le seul qui aujourd'hui est conservé dans son état originel, avec quelques fissures, quelques aménagements. Oui, pour alors le sport pro, oui, il y a des. Mais il est toujours dans son jus depuis 1938. Le 12 juin 1938, il a été inauguré pour la Coupe du Monde de foot, Brésil-Tchécoslovaquie, un match très sanglant d'ailleurs, qui a été rejoué par Adrien Marquet. Et Adrien Marquet, c'est très compliqué de trouver des documents de la période, parce qu'Adrien Marquet, il était taxé de collaboration. Il a eu un mais passé un peu. Adrien Marquet, on peut dire ce qu'on veut, il a quand même évité à la ville d'être complètement détruite par les soldats allemands en débâcle. Et ça, il faut lui laisser, parce que si on a le stade encore... Et par extension, peut-être le stade aussi. Exactement. Mmh. Le pont de pierre, voilà, comme von Scholtitz, le général allemand à Paris, c'est la même chose. Voilà, Adrien Marquet... Qui a refusé, pour ceux qui... Tout était miné, quoi. Tout et était justement, il a refusé de ça, détruire... Il faut aussi le dire, voilà. Oui, c'est... Oui, mais c'est vrai, mais t'as raison, parce que on n'aurait peut-être pas vécu... ce qu'on a vécu à travers, que ça soit Gabi en tant que speaker, nous derrière, dans un vous, enfin voilà, c'est quand même important. J'ai je me rappelle plus, j'avais une question. C'est Marc qui s'appelle, mais je me rappelle plus. Marc, d'habitude il a plein de choses à dire, là il dit rien, il est tout calme. Pardon. Quand on entreprend, alors on en avait déjà un petit peu parlé pour le premier bouquin, quand on entreprend un travail comme ça, on comment ça se passe? On se lance, on se dit bon, voilà, ok, allez, on va faire un on gros truc pour se donner du courage. Comment on se dit alors? Bah, on commence par quoi? On commence par les joueurs, on commence par le stade. Il a fallu créer les chapitres. Déjà, dans un premier temps, se dire où on va. Parce que quand je suis allé voir Laurent pour lui dire j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose sur le stade, je savais pas trop où aller. Puis je me rendais compte vraiment que l'œuvre allait être colossale. Vraiment. En amont, je me suis dit tout seul, c'est impossible. On est clair, tu n'avais jamais écrit de. En tant que journaliste, j'avais écrit des articles, etc. Mais j'avais jamais une œuvre. Laurent, pareil. Telle que celle-là. C'était impossible. Laurent écrivait aussi, et je savais que Laurent avait écrit pas mal d'articles forcément sur les Girondins, avait vécu des moments importants comme moi dans le stade. Mais pas un truc de Stempleur, quoi. Non, pas un truc de. Voilà. Là, franchement, c'est. Moi, quand j'ai commencé à regarder un petit peu, je me suis dit, oulala, là, il y a un filon. Ça vous a fait peur à un moment donné? Moi, au début, ça m'a fait peur. Arriver, ça va être... Quand je suis allé voir Laurent, il m'a tout de suite rassuré, il m'a dit non mais attends, on va faire les choses dans l'ordre. On est allé, moi j'habite sur le bassin, Laurent habite à Lacanau, on est allé au bord du lac de Lacanau et tranquillement on a pris une feuille, un papier et on a commencé à cocher les chapitres, c'est-à-dire la jeunesse du stade, l'architecture, pour qui, pourquoi, ensuite bien sûr l'entrée des Girondins, quel match, quel joueur, etc. On a fait tout ce listing, ensuite on s'est partagé un peu les tâches, on a écrit à quatre mains. C'est vrai que c'est vraiment pas évident de réussir à créer une œuvre et d'être assez homogène, assez cohérent, et finalement on se complète bien avec Laurent, et on a réussi à sortir 600 pages, je sais pas si vous en rendez compte, ça fait 1 million de signes quasiment. Pour ceux qui ont l'habitude d'écrire, c'est tout simplement colossal. Parce qu'en fait, il faut dire quand même qu'au départ, le stade il a été construit pour y accueillir du rugby et du vélo. Le premier parc des sports de l'Escure, et justement, on parlait du stade annexe, qui lui, les riverains se sont battus pour qu'on conserve la gratuité et l'accès libre dans ce stade, parce que tous les jours, il y a des milliers de personnes qui viennent pratiquer leur sport. Vous pouvez y aller, jouer au tennis, au basket. Ça vient d'un monsieur qui s'appelle Robert Hue, qui n'a rien à voir avec le politicien, qui était un blessé de guerre, qui a voulu, justement, après la guerre de 14-18, faire en sorte de rapprocher les peuples, les gens, et il a trouvé que le sport était le meilleur moyen de le faire. Donc il a demandé à des éducateurs sportifs de venir, des militaires, de venir enseigner et aider les gens, encourager les gens à la pratique du sport gratuitement. Et ça, les riverains aujourd'hui qui se battent pour la préservation du site tiennent à ce que justement cet aspect-là soit respecté. Donc ce deuxième stade, il est hyper important dans l'histoire globale du stade. Alors le premier, c'était le parc des sports de l'Escure qui a été détruit, mais on y faisait des courses de vélo, on y faisait des courses de moto et on y jouait au rugby. Il y a eu quelques finales de Coupe d'Aquitaine devant 10 000 personnes, hein, au passage. Aller trouver une finale de Coupe d'Aquitaine aujourd'hui, 10 000 personnes, bon voilà. Peut-être une finale de Coupe de Bretagne, ça peut arriver, ou alors à Strasbourg. Donc il y avait un peu de foot, mais à la base, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout prévu pour le football. Puis le football prenant une ascension considérable, c'est arrivé. Et les Girondins, parce qu'en 38, on inaugure le stade des Chartrons aussi. Il y a deux pages. Bordeaux joue dans trois stades en 38, hein. Joue à Suzan, joue au Chartrons qu'ils ont inauguré, et au stade municipal, aujourd'hui, qu'on connaît sous le nom de Chaban-Delmas. Et pendant la guerre, ils ont même joué à Musard. Donc on raconte tout ça aussi. À Musard, on ne savait pas, nous. Ils ont joué sur d'autres terrains de la périphérie bordelaise. Et encore, on ne sait pas tout parce qu'il y a des archives qu'on n'a pas pu retrouver. Peut-être qu'ils ont joué un peu à Mérignac. Ils s'y sont entraînés, mais au Jard, bon, c'était la vie au grand air du Médoc qui jouait là-bas à l'époque. C'était le club phare. Après, à la Bastide, ils ont joué à Galin aussi. Le stade Galin qui s'est appelé le stade Adrien Marquet. Quand on a trouvé les archives, on savait pas du tout quel était ce stade. Par recoupement, on s'est aperçu que c'était le stade Galin. Voilà, ils ont joué partout, dans toute la périphérie. Suzan, Gabi connaît bien, puisque Gabi il a gardé les buts de Suzan pendant des années. Tiens, à toi. Oui, non, mais c'est toi qui m'as appris que les Girondins avaient pratiqué. Donc, à Suzan, je t'ai donné d'ailleurs deux photos. Voilà, tu t'en es pas servi, on vous a. Allez, il y a encore deux bouquins. Merveilleuses photos. On peut les. Il y a deux bouquins, il y a peut-être moyen de les caser. Mais en médaillon, entre la préface et le. J'ai joué contre le Racing plusieurs fois et je sentais que dans ce stade il y avait quelque chose, quoi. Mais j'étais loin de m'imaginer que les Girondins avaient joué là. Et c'est dans ce stade qu'ils ont recruté, qu'ils ont repéré René Galis par exemple, qui était pas titulaire avec. Qui jouait à Marseille en 38. Voilà. Donc vous voyez, tout est imbriqué, tout est important. On est parti dans toutes ces voies-là. Comme disait Julien, il a fallu établir les chapitres, mais ça a fusé. Je peux vous dire que, alors, il y a plein de choses qu'on a découvertes depuis, mais on est parti, on a exploité, je pense, toutes les pistes possibles. Et oui, là, vous avez, ouais, ça voilà. Vous avez et donc, du coup, après, il a fallu morceler. L'éditeur nous a dit aussi, bon, les gars, on va falloir se calmer parce qu'il vous faut 300 pages pour dire bonjour. Donc, on dit bonjour et merci en 300 pages. Mais il y a une vraie richesse de documentation, et c'est avec grande humilité qu'on le dit, mais c'est justement aussi en ce sens qu'on se démarque un peu. Et évidemment, on fait parler les gens qui ont fait l'histoire de ce stade. Parce qu'il faut dire quand même qu'on a trouvé des photos, des archives que même le club des Girondins n'avait Bordeaux pas. Ne connaissait ouais. pas. Ne connaissait bah, pas. C'est même pas n'avait pas. Ne connaissait pas. On a retrouvé, et on va en parler peut-être avec les joueurs, on va en choisir deux, trois qui sont importants pour nous, notamment les Espagnols, avec Mantisidor. On a retrouvé des. C'est les moins connus en plus parce que c'est les plus anciens. Sont les, voilà, ouais, ce ouais, sont les moins connus, mais public, pourtant, en tout cas, voilà, qui sont importants. Et aujourd'hui, grâce à ce livre, en tout cas, modestement, on essaye de les réhabiliter parce qu'ils sont là depuis le départ, depuis la création du club et de la professionnalisation des Girondins de Bordeaux. Et notamment, voilà, la famille Mantisidor qui nous a accueillis chez eux en Espagne et qui nous ont sorti des trésors. Mmh. Vraiment des trésors. Urtis Berea aussi, Galice ouais. aussi, d'ailleurs. Mireille, les auditeurs qui ont lu les pages 100 et 101, il y a une double page et une photo de René Galice qui tire un pénalty. Alors, on sait pas du tout contre qui c'est, on pense que c'est Toulouse. Il tire un pénalty, voilà, il le marque. Et en fait, on a de suite, on a la chance à Bordeaux d'avoir un stade facilement identifiable avec ses arcades. Ah, oui. Donc, on a su de suite que c'était à l'Escure. Et cette photo n'a jamais été publiée. Elle est magnifique. Elle était dans un album de la famille Galice. C'est la famille Galice. C'était jamais eux sorti. Non, pas la... vous auriez vu l'album qu'ils nous ont donné. Ah, c'est un album de famille. Ça doit être la folie. Toutes les photos étaient complètement, ça tombait par lambeaux, mais les photos étaient propres. La preuve, celle-ci ressort très bien. Mais l'album était complètement mangé. Il date de 1940. Alors, modestement, avec Laurent, c'est mon mot, ça, aujourd'hui. On a essayé de, voilà, de remettre, de réparer un peu ce. Parce que René Galice était d'une grande discrétion, mais il avait quand même conservé des articles. Bah, il mettait quelques petites annotations à côté des photos, mais pour le cercle familial. Le seul indice qu'on ait, c'est le maillot vertical, bicolore vertical du défenseur, ou je sais pas qui. On pourrait penser que c'est le Havre, mais je sais pas, on a peut-être, c'est peut-être Toulouse. Ouais, c'est compliqué. C'est en quelle année? 40, début des années 40. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu but. Faut reprendre les championnats. Le gardien fait un arrêt. Enfin, son plongeon est pas très. Il faut essayer de, en reprenant peut-être les championnats de l'époque, s'il y a des stats, s'il y a des, je sais pas, des feuilles de match. Alors, des... on a aussi scapulaire.com. Scapulaire.com qui est super bonne. On est en lien avec David Lodru, le responsable, évidemment, pour les stats. Et qu'on aide aussi maintenant. Et qu'on aide parce qu'on a retrouvé plein de choses pour lui aussi. Tellement d'archives qu'on lui donne aussi. Et lui arrive à faire des recoupements, récupérer des feuilles de match. Bah, c'est un vrai travail passionnant. Ça nous a bouffé la tête, mais ça nous a fait plaisir aussi, quoi. Et pardon. Et quand il s'agit de contacter des personnes, alors évidemment, je pense pas que vous allez me dire oui, il y a des gens qui ont refusé. Mais voilà, par exemple, je sais pas comment ça s'est passé quand vous avez appelé Gabi pour le premier bouquin, pour lui dire voilà, Gabi, on aimerait faire ça, on a tel projet, tel truc. Est-ce que t'es partant? Est-ce que tu nous suis, Gabi? Je suppose que t'as pas. Le scénario de leur œuvre, les deux œuvres que j'ai pu avoir le plaisir de lire, et il avait déjà préparé. Ils n'avaient pas besoin de m'interroger à moi, finalement. Ah, quand même. Ah, dans le premier, c'est important qu'il soit, oui, Gabi, parce le premier, que d'ailleurs, oui. dans le supporter, tu as quand même, voilà, tu as rythmé un peu la vie de certains supporters. Bah oui, 30 ans quand même, c'est quelque chose. Ah ben moi, le premier, je n'avais connu. Enfin, moi, je suis allé au stade la première fois de ma vie en 80, je sais plus, 14 peut-être, un truc comme ça. Je n'avais connu que toi jusqu'à que tu 1994, tu parles. Ah bah oui, quand même. Moi, je peux dire un truc, c'est que parce que Gabi, il est très modeste, il dira rien. Mais moi, je le connais, enfin, il me connaît depuis que j'ai 11 ans. Je vais en avoir 43, donc ça fait un petit moment. Gabi, j'ai connu, il animait à Cap Girondin. Et en fait, on est très proches parce que d'abord, on habite dans la même ville, à La Cano, et en plus, on se. Les deux, ils vont chialer, je vous le dis. J'ai quitté Gabi pour me paxer avec Julien. Non. Mais Gabi, on a joué au football ensemble. Et oui, on n'était pas à l'école ensemble, mais on a joué au football ensemble. On s'est occupé de clubs de football différents ensemble. On a vécu plein de choses, et forcément, à l'Escure, on a vécu plein de choses ensemble. Donc, c'est tout naturel. Il le dira pas, mais c'est tout naturel quand on en discute, on en parle en venant à l'émission. On s'est rappelé plein de trucs aussi dans la voiture, et des trucs de sport, hein. Et c'est vrai que c'est tout naturel. Donc Gabi, on pense à un truc, bim bam, voilà, ça fuse, et c'est comme ça. Et c'est vrai que la photo en plus qui est dans le livre, c'est une photo qu'on a fait nous-mêmes, quoi, pour Radio Lescure. En fait, à aucun moment on a pensé à publier, ou c'était juste ce moment-là. D'ailleurs, il y a les deux photos. Je crois que j'avais fait ça avec mon appareil pourri. Et finalement, c'est un super rendu, quoi. Mais tu vois, alors juste parce qu'il est là, et Cyril, c'est marrant parce qu'on en a parlé l'autre jour. Quand Paoletta est là, quand 2001, enfin, dans ces eaux-là. Et on ne venait, enfin personnellement, je venais pas au stade que pour ça, évidemment, mais je venais au stade et j'attendais toujours ce moment de la présentation de Paoletta. Où, et Cyril était comme moi, pareil. Où il attendait. C'est toi qui le trouves, ça? Non, le Pedro Miguel Carrero Resendez, dit Paoletta. Pedro m'avait questionné, il comprenait pas très très bien finalement que je puisse l'appeler par son vrai nom. Sur la feuille de match, c'était Pedro, Miguel, Carrero. Ah oui, donc sur la feuille de match, c'était marqué Paoletta. J'avais lancé finalement. Ah, mais ça, franchement, pendant 3-4 ans. C'est vrai que ça c'était assez exceptionnel pour le public, quoi. Ah, mais ça me faisait tous mes débuts de match, moi. J'étais comme un où je venais, même si le match était pourri, t'étais content. Paris Saint-Germain a repris le truc pour Neymar, il dit son nom complet quand il marque. Je me suis rendu compte à force de voir ça. Paoletta, qui est quand même l'idole de Julien, il faut le dire. Ah, bah, qui est l'idole de pas mal. Je me rappelle. Paoletta qui vient tous les ans, d'ailleurs, en vacances chez moi, à la Cano, donc on partage avec Laurent quelques sorte. J'ai vu. Alors, Gabi, tu me l'as jamais dit. Laurent ou Gabi, vous allez sûrement peut-être me contredire. Je sais pas si peut-être pour Giresse ou quoi, c'est déjà arrivé. J'ai vu pour Paoletta et peut-être pour Marc Planus, mais j'étais pas là ce jour-là, donc je m'en souviens pas. Le jour où Paoletta fait son dernier match, je m'en rappelle, c'est contre Lille. On gagne 2-0, il fait un doublé, même péno. Où Eli Bop le sort à la 92e minute ou 9e minute dans ces eaux-là, et le match s'arrête pendant 3 minutes. Le match s'arrête, le mec sort, il est ovation. Je n'ai peut-être pour. Alors j'étais pas là pour le dernier match de Planus, de Ramé. Planus j'étais là, mais Ramé j'étais pas là. Alors peut-être pour Ramé ça s'est passé comme ça, je me rappelle Ramé, pas. Ramé c'est différent, j'ai pas souvenir. Ramé, parce que moi ce match-là j'étais pas là. De Ramé ou de Paoletta? J'étais au baptême de ma filleule, c'est un match que j'ai loupé depuis 20 ans. Aussi, j'étais fou. Donc je vais laisser parler Ramé. Julien. Non, pour Paoletta. Pour Paoletta, je me souviens, mais personnellement j'ai un souvenir de rage parce que. Je sentais que ça allait être un départ pour un autre club français. Ah, mais on le savait, c'était déjà annoncé même avant. Non, on savait pas que c'était pour Paris Saint-Germain. Mais on savait que ça allait être pour un autre club sûrement français. Donc ça me, je l'ai pas vécu comme si je savais qu'il partait pour, s'il partait pour le Milan AC ou pour un grand club. Bon, à l'époque, Paris, excusez-moi, mais en 2000, c'est pas un grand club, quoi. J'étais dégoûté, quoi. Très franchement, j'étais dégoûté. Donc, j'ai pas un souvenir mémorable, si ce n'est qu'il marque deux buts, encore une fois, et que il sort sur, il pleure. C'était un moment magnifique, mais moi personnellement je l'ai pas super bien vécu ce moment-là parce que je me disais c'était magnifique. Je te rassure, moi aussi je l'ai mal vécu, mais c'était quand même un moment de fou. Enfin, on était moins vexé que le départ d'Alain Giresse pour Marseille. C'est pour ça que j'allais te dire, peut-être Gabi que t'as peut-être Gabi ou Laurent, vous avez peut-être même Julien, vous avez peut-être, parce que moi j'étais un peu jeune pour Alain Giresse, mais moi je vais te dire, c'est ma pire blessure de supporter. J'adore Giresse, ça a jamais changé, j'ai toujours adoré Giresse. Il est dans le livre évidemment. Gabi aussi, ça et la rétrogradation administrative en deuxième division. Je commence à digérer maintenant, quoi. Mais ça, c'est Paoletta, j'ai pas bien vécu non plus, hein. Surtout Paris. Enfin, j'avais rien contre Paris. À cette époque-là, c'était pas. Comme tu l'as bien résumé, il part pour la Juve ou Milan, machin. Ouais. Ok. Et là, je l'ai pas bien vécu. Mais comme moi, j'avais déjà vécu Giresse avant, je me suis dit, c'est quand même pas du même niveau. Giresse, et encore une fois, il y a des torts des deux côtés. Il y a des torts chez Alain Giresse probablement, chez Claude Béz et Didier Couécou probablement. Voilà. On va pas refaire l'histoire, mais ça a été très très dur. Et puis alors la rétrogradation, j'en parle même pas, quoi. Après, quand on a des joueurs phares, est-ce qu'on n'a pas toujours une déception quand ils partent? Du moment où on considère qu'il aurait pu continuer, vous avez cité Paoletta, vous avez cité Giresse. Moi, j'étais même pas né à cette époque-là, donc j'ai aucun point de comparaison. À l'époque de Paoletta, t'étais né quand même. Si, pour Giresse. Paoletta, j'étais encore jeune. Je me souviens de certains jeux, je me souviens pas que ça ait duré 3 minutes, par exemple. Mais j'avais moins de rancune parce que le mercato, je le suivais pas comme je peux suivre le foot aujourd'hui, tous les jours regarder l'actualité et les transferts en permanence. Donc j'ai même pas je pense que sur le moment je capte même pas, il part à Paris quoi. Je suis dégoûté qu'il parte, mais ça va pas plus loin. Et moi j'ai ce sentiment que vous avez là, moi j'ai sur Ramé quand il est passé numéro 2 quasiment et qu'il s'en va, ça fait deux déceptions parce que je considérais qu'il avait encore sa place comme numéro 1 des Girondins de Bordeaux. Donc je pense que quand on ferait les choses différemment et qu'on pense que le joueur peut toujours rester et que l'offre est pas plus belle, on a toujours cette déception. Je pense que les fans de Cédric Carasso ont eu le même ressenti l'année dernière, et même s'il a été remplacé par Costil et même s'il était vieux, il considérait qu'il pouvait encore jouer un an ou deux, donc il considérait que il n'y avait pas lieu que ça se termine. C'est, je pense que pour toute personne qui a une passion pour un joueur, ça va être toujours plus marqué. Et Planus, où on savait que c'était la fin de carrière, etc., ça a choqué moins de monde. Et, c'était dans la logique des choses et ça s'est super bien passé et tout le monde en garde un super souvenir. Ou même Jean-Lou Trio, j'ai envie de dire. Récemment, il y a eu où beaucoup de supporters s'étaient énervés, c'était Gourcuff qui part à Lyon. Où là aussi, il y avait eu de l'incompréhension. Moi, perso, je l'ai super mal vécu aussi. Gourcuff qui part à Lyon. Pour moi, Gourcuff, il partait à Manchester. C'est le meilleur coup des Girondins. Mais c'est un des meilleurs coups de tout. Oui. Mais par même si, en attendant Malcolm, moi qui ai animé l'émission des supporters, j'avais tous les jours des supporters qui me disaient mais où est passé l'argent de Gourcuff? Mais par rapport à ce que tu disais, la moitié dans le déficit. Il y a aussi une autre composante, je pense, à un départ de joueur, c'est la façon dont il part. C'est pas que le fait qu'il parte, c'est la façon dont il part. Est-ce qu'on le remercie? Est-ce qu'on lui offre une ovation comme Paoletta, ou est-ce qu'on l'ignore, ou est-ce que ça se passe comme Carasso? Je rentre pas dans les débats, dans les polémiques, mais je pense que c'est une composante importante, le fait aussi de pouvoir dire au revoir au public, de pouvoir partir, de pouvoir avoir la possibilité de partir entre guillemets dignement, c'est des choses plus graves que le football quand même, et je pense que c'est vachement important par rapport à ce qui reste plus tard. Et on se dit, ouais, il y a quand même un goût d'inachevé. Alors Paoletta, il est parti, on savait qu'il allait partir, il y a un goût d'inachevé, mais Carasso, c'est encore autre chose, c'est que là, on s'attendait pas forcément, un peu, mais il était encore vachement... Donc on savait, on espérait surtout un départ, digne. Pas, on savait, personnellement, moi, il n'y avait pas de mystère. Mais on se dit, bon, bah, ça va se faire. Moi, personnellement, je dis, ça se fera sur Marseille. Dernier match, c'est obligé, ça se fait sur Marseille. Il n'y a même pas photo. Quoi. Et c'est ce qu'on a mis aussi dans le portrait, parce qu'évidemment, il fait partie des 27 joueurs. Il est sur la couverture du livre. On l'explique aussi. C'est pas un parti pris. C'est pas un parti pris. Mais les gardiens de but, il y a Dominique Dropsy, André Gérard. On parlait de Gaëtan tout à l'heure, Gaëtan Huard, il sera dans le 4, Gaëtan. Il est déjà écrit le portrait de Gaëtan. Voilà. Mais on l'a mis dans les personnalités, encore autre chose, avec un record. Mais voilà. Enfin, donc on est tous l'histoire. Mais, Carasso, on explique aussi pourquoi. Donc on donne la parole à tout le monde, au club, au coach, voilà. Après, c'est bien d'expliquer, puisqu'on en parle de Carasso, parce qu'on va des supporters vont sûrement nous dire, et il y en a un notamment sur Twitter qui nous a dit, ouais, vous avez mis Carasso en couve, mais pourquoi pas Ramé? Parce que le but, c'est de le vendre, le livre aussi. Et le but, c'est de aussi faire plaisir à la nouvelle génération. Moi, mon fils, par exemple, il a 11 ans. Et quand il voit Carasso sur la couve, il dit, ah ouais, ok, ouais. Oui. C'est vrai, Carasso, c'est un joueur de légende. Il est dans les 27 joueurs, mais quand on voit la couve, on voit Carasso, un gamin identifiable de 11 ans, de 15 ans, de 20 ans, il identifie le livre aussi qui va, voilà, il va dire, ah, je vais trouver des trucs qui vont me plaire dedans et de ma génération. Et ça, c'est pour ça qu'on avait... Vous avez vu, il y a plusieurs joueurs. Il y a Jaime Mansisidor, qui est le premier capitaine victorieux des Girondins de Bordeaux, en amateur en 1936, parce que la première année d'existence, parce que le club, c'est 1881, mais c'est l'omnisport. Oui. Le football... C'est 1910 ou 1919, le football, je ne sais jamais. Alors, en fait, il y a l'Argus Sport de Bordeaux, et il y a les Girondins de Bordeaux, mais là, ils ont fusionné. Ils ont fusionné en 36, c'est la première édition de Girondins de Bordeaux FC. Ils sont inscrits en championnat amateur, boum, ils gagnent. Ils sont champions de France amateur la première année. Ils déposent le statut professionnel en préfecture en 37. Ils sont professionnels. Bon, après, la guerre éclate. Mais en 41, ils gagnent le premier titre. Coupe de France au terme de 3 ou 4 finales, je sais plus. J'ai écrit pourtant. Et Julien aussi. Et en 37-38, quand ils sont en D2, c'est la première année où, en tout cas, on pourra le révéler bientôt, où ils ont joué leur premier match à l'Escure. Ouais. Ils montent et puis ils gagnent la Coupe de France en 41. Donc, sur la couverture, on a Mansisidor, capitaine. On a René Galis qui a fait 17 saisons cumulées aux Girondins, mais il n'y en a que 11 effectifs qui sont comptés parce qu'il est parti 6 ans pendant la guerre. Il s'est battu dans les forces françaises libres. On a Alain Giresse, capitaine. Zinedine Zidane, qui l'a été aussi occasionnellement, moins que les autres. Mais, c'était Lizarazu à l'époque. C'était Lizarazu. Je pense qu'il a été aussi capitaine Zidane. Il a dû l'être au moins sur un match ou un truc comme ça. Voilà. Ouais, et Cédric Carasso. Mais dans les préfaces, on a fait d'autres choix. Parce qu'on ne fait pas comme tout le monde. Nous, on a fait 4 préfaces. Donc il y a Roland Guillas qui symbolise une époque. Qui a fait 2. Non, mais c'est par période. Forcément, avant 1960, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont décédés. Il y avait Jean Ziatek qui avait 95 ans au moment où on a écrit le livre. Il est décédé avant la sortie du livre, on a fait un petit hommage, mais donc on est parti des années 60, donc Roland Guillas qui a fait 2 passages aux Girondins, qui était un excellent joueur international, ensuite Alain Giresse pour une autre période, ensuite Bixente Lizarazu et après Ulrich Ramé. Ouais, 90-2000. Voilà, c'est scindé, donc ces joueurs, anciens joueurs, ils ont eu la gentillesse de faire des préfaces, c'est qu'ils ont accrochés aussi, ils ont adhéré au projet et c'est pas forcément les mêmes qu'en couverture, si ce n'est Alain Giresse. Voilà, donc c'est assez vaste le champ d'action. Mais comme disait Julien, on veut aussi parler aux nouvelles générations. Et on ne voit pas pourquoi Carrasco ne serait pas là, parce que Carrasco, il a des stats de malade. Voilà, et par les stats, c'est clairement le deuxième meilleur gardien de l'histoire de l'Escure. Donc voilà, derrière Greg Cranet, c'est Carrasco. Ouais, parce que Dropsy, au final, il est arrivé de Strasbourg en 84, il a fait 84-89, donc c'est moins de saisons et de matchs que Cédric Carrasco. Mais même en stats, même en termes de clean sheet. Voilà, c'est Carrasco qui est derrière Ramé en termes de statistiques à l'Escure. Voilà, donc ça paraissait logique. Mais c'est vrai que la préface avec Ramé, en plus maintenant quand il a des fonctions dans le club, responsabilité importante, voilà, ça fait lien sur toute l'histoire. Oui, parce qu'en plus tu parles à juste titre d'histoire, mais t'as des joueurs qui ont été entraîneurs, Gernot Rohr plusieurs fois, entraîneur de la réserve, entraîneur des jeunes, entraîneur des pros. Mais t'as aussi André Gérard, Éric Guérit. Ouais, mais il est pas dans les gens. Il y a Kouékou aussi qui a été dirigeant après. Il a été entraîneur. André Gérard, Santiago Urtizberea, qui l'a été joué 4 fois lui. Tigana. Je crois que tu parlais de tracer les lignes, Gabi, tout à l'heure. Lui, il a tout fait. Ouais. Il a lavé les maillots. C'est un des meilleurs avant-centres, un des 4 meilleurs avant-centres de l'histoire du football à Bordeaux, Santiago Urtizberea. Donc voilà, il y a aussi ces histoires-là et ces gens-là, comme Garnot ou autre, ils ont aussi ce vécu d'entraîneur et Ulrich Ramé finalement aussi. Et lui, il a connu les deux stades, un en tant que joueur, l'autre en tant qu'entraîneur. Et Carrasco a connu les deux stades en tant que joueur. Donc, on fait aussi un petit topo sur le Matmut Atlantique. On est obligé, ça fait partie de l'histoire. On parle de Fuson, mais on parle du Matmut aussi. Moi, j'ai une question pour Gabi, tu as vu évoluer ce stade depuis. Alors, je veux pas m'avancer sur les années. Mais 30 ans. Non, mais oui, sur une trentaine d'années à peu près, grosso modo. Donc plus que ça, donc beaucoup plus que ça, donc peut-être sur une cinquantaine ou je sais pas, oui, sur une cinquantaine d'années. Comment, parce que nous au final on venait au stade une fois, c'est quoi, deux fois par mois à peu près, grosso modo, quand il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc deux fois par mois, mais quand on fait un métier comme le tien ou comme vous-même, hein, journaliste, on s'approprie peut-être un peu plus, comme nous on s'approprie notre tribune. On prend nos repères, on prend nos habitudes, on prend nos... Enfin, je sais pas, on a des petits trucs, peut-être que vous avez, je sais pas, Gabi, quand t'animes, peut-être... Je sais pas, t'as peut-être un... Je sais pas comment expliquer. Le fait que ce soit ton lieu de travail. Voilà, aussi. Voilà, nous c'est notre lieu de on y va pour faire plaisir. Voilà, toi c'est ton lieu de travail, mais en même temps c'est ça doit être un régal. Il y a très peu de gens qui travaillent dans un environnement aussi. Spécial. De toute façon, c'est un grand privilège de pouvoir animer, si tu veux, un stade devant de tous ces Bordelais, tous ces passionnés. Bon, c'est magique, quoi. Hein. C'est-à-dire, on peut pas l'expliquer. Je veux dire, bon, c'est même difficile de d'arrêter, quoi, si tu veux. Ces animations, c'est très très dur, quoi. Maintenant que t'as vu le nouveau stade depuis 2-3 ans fonctionner avec tu penses que t'aurais pris autant de plaisir dans ce nouveau stade que qu'à l'Escure? Oui, mais il faut pas être trop nostalgique, si tu veux. Bon, ben c'est différent maintenant, hein, si tu veux. Bon, l'Escure, il y avait une âme, quoi. Il y avait un son, il y avait une... C'est pour ça que je te dis, ça... Il y avait une couleur, il y avait... Voilà, qui c'est difficile à expliquer, quoi. Après, c'est marrant parce que j'en parlais au stade hier avec des amis, et ils me disaient, oui, alors bon, le stade, il a ce stade, etc. Le problème, c'est qu'en fait, on vit quelque chose qu'on n'a pas vécu à l'Escure. L'Escure, on est tous suffisamment pas âgés pour avoir connu le début de l'Escure, c'est-à-dire que ils ont joué pour la première fois dedans, bah l'histoire c'est comme aujourd'hui, il n'y en avait pas, et elle s'est construite petit à petit, et aujourd'hui on vit ça nous dans le nouveau stade, c'est-à-dire que bah, l'histoire elle va peut-être s'écrire, je sais pas moi, il y a une finale de Coupe de la Ligue cette année, c'est ça? Oui, non, mais c'est cette année. Va savoir. Et si tu gagnes la Coupe de la Ligue chez toi, bah, ça sera déjà un petit bout de début un petit bout de début d'histoire du stade, quoi. Ça va prendre du temps de toute façon. Voilà. Ça va prendre du temps. L'Escure, c'est pas fait en 5 ans. Ouais. Voilà, là on parle de 80 ans d'histoire. Parce que dans les années 30-40, il faut savoir que notamment les joueurs espagnols dont on parlait, ils disaient dans certaines phrases, etc., ils disaient le stade nous emmerde, mais on y va pour jouer quand même. Donc, non, mais c'est vrai, ils disaient ça, les Espagnols. Ce qui veut dire que le stade, et eux, ils ont connu vraiment le tout début du stade. Mmh. Donc pour eux, ça se trouve, c'était ce qu'on vit nous au Matmut Atlantique aujourd'hui. C'était la même chose. Ils disaient ce stade, il est trop grand, il nous emmerde, c'est presque. Ça. Et on se fait chier, et au final, Et voilà, c'est un stade de vélo, donc pour eux aussi. Voilà. Et le stade, il a fait 80 ans d'histoire, et aujourd'hui, on dit, il a une âme, il a une couleur, et peut-être que le Matmut Atlantique, ou un autre nom dans 10 ans, on dira la même chose. Et le parallèle, pardon Gabi, excuse-moi. Il a déjà un autre nom. Reprends-toi, il a déjà un autre nom. Une odeur, c'est vrai. Gabi disait une odeur aussi. Oui. Mais c'est vrai, parce que t'es en centre-ville, parce que t'as plein de trucs autour, l'environnement, le contexte fait que, ou d'autres odeurs en virage sud. Ou d'autres odeurs en virage sud. Ou des... Pour ceux qui ont vécu. Oui, on parle des saucisses et des frites, évidemment. Et de la sueur. Mais ces odeurs, tu les as à vie, parce que bon, nous, on y va depuis gamin, vous aussi. Enfin, moi, j'étais gamin, j'avais 6 ans en 1980. Je suis pas prêt d'oublier. Ah, quand même. L'odeur du cigare. Du gros naze à côté de moi qui me l'a foutait dans la gueule toute la soirée et à chaque match. Je suis pas prêt d'oublier cette odeur de cigare. Il y avait les noisetines aussi. Il y avait un papy qui venait, comme les ouvreuses au cinéma. Il venait avec ses petites noisetines. T'enlevais le papier. T'avais cette odeur là. Alors moi, j'étais un peu virage sud, mais ça fumait pas encore à l'époque. Mais ça existait pas, je crois. Mais c'est vrai que ces odeurs là, ça peut être les baraques à frites à côté. Ça manque aussi au Matmut. Ouais. Les baraques ouais, elles sont reléguées au pont. Voilà. Donc tout ça, les odeurs de la ville, les mauvaises odeurs aussi, hein, le pug dessous qui débordait, les odeurs des chiottes, pardon, hein, mais, ça marque à vie, quoi. Et j'avais une autre question, je sais plus. Moi j'en avais une, mais elle va peut-être complètement différer. Le temps que ça me retrouve. Non, mais le temps que je me la remette en tête, vas-y. Non, moi la question que je vais poser, c'est vous parliez des joueurs espagnols dont les portraits sont dans le livre. La plupart, c'est des joueurs assez anciens, donc ils sont plus vivant pour certains. Vous êtes allé voir du coup les familles qui sont en Espagne. Ça fait du... T'as dû apprendre l'espagnol. Quand tu parles le langage du football, ouais. Tu passes partout. Ouais. En tout, bon, on a eu la chance de ouais. Bon, alors Mirène Urtiz-Berea, qui est la fille donc de Santiago Urtiz-Berea, elle vit à Saint-Jean-de-Luz. C'est une grande supportrice des Girondins de Bordeaux. Elle suit toujours le club. Donc on a pu la voir à plusieurs reprises, que ce soit sur Bordeaux. On la voit dans le livre d'ailleurs. Ouais, elle est toute petite dans le livre avec son papa sur la pelouse de l'Escure. Elle a toujours été dans l'environnement du club. Donc elle est, voilà, c'est une personnalité du club. Mirène Urtiz-Berea, elle a fait des voyages dans les années 90. Elle suivait le club à l'extérieur, en Coupe d'Europe, etc. Et elle vient quand même au Matmut. Donc c'est une personnalité connue et dont on a eu je crois que Laurent la connaissait avant, on a pu la rencontrer assez vite, assez rapidement, et c'est finalement en lui parlant avec elle, avec Arnaud Viaudet aussi des Girondins, qu'on a réussi à avoir le contact. Arnaud nous a donné les contacts. Ouais, le contact d'Oscar Mantisidor, qui est donc le petit-fils de Jaime Mantisidor, qui est dans le... Parce que là, c'est vraiment ancien. Mantisidor, voilà. C'est le plus ancien que vous avez. Avec Urtiz Berea, en fait, ils sont arrivés parce qu'ils ont fui la guerre d'Espagne. Exact. Soit parce qu'ils étaient bombardés à la frontière espagnole, soit parce qu'ils étaient républicains. Ils fuient une guerre pour arriver dans une autre, quoi. Mais ces joueurs-là, c'est un calibre extraordinaire. C'est des joueurs, ils joueraient au Real Madrid ou FC Barcelone aujourd'hui, il faut le savoir. Mmh. Et nous, c'est pas pour être chauvin ou quoi que ce soit. On raconte ces histoires-là. Ces joueurs, c'était des joueurs exceptionnels. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont pas eu de chance parce qu'ils ont eu deux guerres, ils n'ont pas pu s'exprimer. Et coup sur coup, ils ont eu la guerre civile et. Et ils sont arrivés. En fait, c'était Benito Diaz, qui était un entraîneur reconnu au Pays Basque, la Real Sociedad notamment, qui a amené Mantisidor et Urtiz-Berea en 36 à Bordeaux. Et quand les réfugiés sont arrivés espagnols, ils ont été entre guillemets parqués, malheureusement c'est le terme, au camp de Gurs, qui est un camp qui est devenu un camp de concentration par la suite, où on a mis tout le monde, quoi. Mmh. On connaît l'histoire, malheureusement. Au départ, c'était pour les Espagnols qui étaient en transit, et en fait ils se sont retrouvés dans des baraquements et ils faisaient des matchs de foot pour passer le temps. Et Benito Diaz de Bordeaux a su ça, il est allé là-bas, il a repéré tous les joueurs, il a reconnu Paco Mateo, qui est un joueur qui joue au FC Barcelone, Salvador Artigas, qui est devenu après entraîneur des Girondins, ces mecs-là. Et du FC Barcelone aussi. Et du FC Barcelone, ces mecs-là, c'était des sommités. Paco Mateo, c'était le meilleur avant-centre d'Europe quasiment. Donc ces mecs-là, ils ont joué aux Girondins, quoi. Et c'est là-dessus aussi qu'on accentue un peu l'histoire, qu'on rappelle l'histoire, parce que les plus anciens, qui ont 80 ans aujourd'hui, ont vu jouer certains. Mais cette histoire, elle est un peu oubliée. Alors, pas ouayant dans les salons d'honneur, il y a les photos. Oui, c'est bien. Mais c'est du important. Grand public, c'est. Voilà. Et voilà. Et le but, c'était ça aussi. Le but, c'est de réhabiliter ces joueurs pour que le grand public. Vous êtes fans des Girondins de Bordeaux tous, et nous tous, on est supporters. Je pense que connaître l'histoire de son club, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, on réhabilite ces joueurs qui finalement, voilà, sont peu connus et pourtant ils sont la genèse de la création du club. Ils sont là quand les Girondins deviennent professionnels, quand le scapulaire apparaît sur la poitrine, ils sont c'est là et ils sont la genèse de ce club. Et c'est pour ça qu'on voulait raconter leur histoire. Paco Mateo, par exemple, il arrive, donc il joue pas très longtemps au FC Barcelone, du 27 mars au 28 août, donc 1938, il dispute 14 matchs officiels, il met 35 buts. Qui fait ça aujourd'hui? Messi. Ah, personne, même Ronaldo. Ouais, même Messi, Ronaldo. Après, c'est une autre époque, mais. Alors, bah, en fait, Arnaud Viaudet nous a donné le contact. Mais il jouait à 11 contre combien? Non, mais c'était un joueur exceptionnel. En fait, le problème, c'est que pour tout joueur espagnol qui a quitté l'Espagne en 36, il n'y a plus rien. Donc, ouais, on parlait d'Adrien Marquet, des archives qui ont disparu en 39-45 en France. Pareil, ouais. En Espagne, c'est pareil de l'autre côté. Donc le joueur, il a quitté l'Espagne, il n'existe plus. Il est mort administrativement. Donc très compliqué. On trouve des documents. On recoupe. On se dit, Paco Mateo, c'est bien. Et puis on voit qu'il a joué à Valence, qu'il a joué FC Séville. Il y a un truc qui ne cadre pas. En fait, on s'aperçoit au bout d'un an qu'il a un frère. Un homonyme. Qu'il a un frère qui a un an ou deux d'écart, qui lui a joué au FC Séville. Et là, on s'embrouille complet, quoi. On s'embrouille parce que toutes les sources sur Internet. Vous êtes devenu détective, en fait, aussi. Des deux CV. Et moi, je pète un câble. Et j'appelle les Girondins. Et je dis, putain, est-ce que vous avez pas un lien, là? On sait pas. Il aurait joué Paco Mateo. Il aurait joué à Barcelone. Mais ça nous prend des semaines, ce truc-là. Plus, il aurait joué à Barcelone et tout. Arnaud Lyonnais a dit, ouais, j'ai le numéro de l'attaché de presse de Barcelone. Tu l'appelles. Oui, voilà. J'ai dit, mais je l'appelle en tant que Laurent Brun ou en tant que Laurent Brun qui fait un travail aussi pour les Girondins de Bordeaux. Tu l'appelles en tant que Laurent Brun qui fait un travail pour les Girondins de Bordeaux. Le type, il me dit, en anglais, il me dit, on ne connaît pas. Et là, tout s'écroule, quoi. Ah bah ouais. Mais tu dis, si le Barça, ils ne savent pas. Et ouais, ça change que le Barça. Il dit quand même, on va vérifier dans les archives. Ouais. Ah. Les anciens, ils savent les honorer au Barça. Ah oui, quand même. Ouais. Une semaine après, il m'envoie un texto, mais vous aviez raison, il a joué chez nous. Et il a joué donc 38 et il a mis 14 il a fait 14 matchs 35 buts. Bon, merci. Donc voilà. Alors après, on n'a pas pu définir s'il avait joué à Valence ou FC Séville. On ne sait pas parce que c'est très compliqué de recouper les informations. Il n'empêche que cette histoire, elle est extraordinaire parce que ce type, il arrive, il est meilleur avant-centre d'Europe. Oui. Il arrive en France, c'est la guerre. Il joue, alors pas comme Denilson, mais vous voyez un peu le genre de mec, fantastique. Très sympa, beau mec, il plaît aux nanas. Et puis le problème, c'est qu'en France, entre 39 et 45, on s'amuse pas beaucoup. On n'a pas les moyens, on n'a pas l'autorisation. Et il joue, il fait le spectacle. Il met des buts en pagaille en France. Et finalement, les supporters adverses se prennent, je sais pas, d'amour pour ce joueur-là. Et il réjouit tout le monde, quasiment, bon, sauf les gardiens de but adverses. Et le lendemain de Noël, le 26 décembre 1940, parce qu'il faut savoir que pendant la guerre, en France, c'est très mal vu de gagner de l'argent en jouant au football. Donc, ils ont tous un métier. Parce que maintenant, non. Ils ont tous un métier à côté. Officiel, plus ou moins. Ça va aller jusque dans les années 50-60, d'ailleurs, cette histoire. Il est forgeron. Aux Pays-Bas, par exemple, on a eu le cas avec Bertus de Harder. Ils sont limite allés lyncher là-bas. Hein. Donc, en France, on n'aime pas trop ça. On trouve ça indécent. Donc, il est forgeron, je crois. Forgeron. C'est ça. Il est en camion. Donc, le lendemain de Noël 1940, il part sûrement dans la région. On n'a pas pu trouver l'endroit. Il a un accident de camion très très grave. Il est quasiment perdu pour la vie. Et puis finalement, il est opéré. Il est dans le coma. Il sort du coma. Il est opéré. Grosse intervention chirurgicale. Les médecins lui disent, si vous arrivez à marcher, vous serez un miraculé. Le mec, il revient un an après, il rejoue avec les Girondins de Bordeaux. Donc, entre-temps, il a suivi l'équipe. Il a même un match caritatif. Voilà. Il a jamais été oublié par le club. Il revient, il marque quelques buts. Du coup, Santiago Ortiz-Berea, qui était en pré-retraite, revient pour l'épauler. Donc, ils jouent ensemble. Santiago met quelques buts. Et Matteo, il dit, j'y arrive plus. Le coach lui dit, ok, tu passes défenseur central, il disait demi-centre. Le mec, il finit meilleur défenseur central d'Europe. Elle est pas énorme, cette histoire. Le pauvre, il décède tragiquement à Strasbourg dans les années 70, d'un accident de voiture. Et il a marqué aussi l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Ouais. Hein. Il y a un stade Paco Mateo en région d'Alsace. Ça, c'est l'âme même de ce livre, ces histoires-là. Voilà. Parfait. Eh ben, 22h01, on va faire la pause, messieurs. C'est passionnant. C'est passé à une vitesse cette première heure. Je me suis régalé. Nous aussi. On fait la pause et puis on verra de quoi on parlera en deuxième heure. Vous avez, vraiment un peu, non, quand même. Les gars, vous voulez vraiment parler de ça? Sérieux? Comme vous voulez. On va voir. On sait pas. On verra. On fera un vote à main levée. Sinon, on en a pour deux heures encore à parler de livres. C'est pour ça que je me dis que ça vaut peut-être le coup. Un récap de 2 minutes. Ouais, on fera un après-match de 2 minutes 30, un tour de table. C'était bien, c'était nul, et puis voilà. Allez, on verra ça après la pause. D'ici, j'ai fait traîner un petit peu la pause avant d'y avoir une petite douzaine de minutes. Et on se retrouve dans Girondin Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur rigfm.fr. À tout de suite. «